258 qui va avoir lieu demain soir avec notre spécialiste Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny! Hey Claude, avant de te parler, je veux te parler de Conor McGregor. Tu m'avais dit que contre Dustin Poirier que tu voyais pas McGregor gagner, mais j'ai jamais été aussi content, moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pensais que Connor allait gagner. Mais c'est rare que je suis content de m'avoir trompé, mais là, j'étais content. Est-ce qu'il va rebondir? Parce que Patrick Côté écrivait sur l'UFC que ça vient que quasiment son baume vient de pâlir, son étoile vient de pâlir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il va rebondir ou. Je ne sais pas, mais j'ai remarqué une tendance. Puis j'avais écouté avec, j'écoutais ça avec un de mes chums, puis il avait dit un peu la même affaire que moi. Puis après ça, c'est drôle parce que Firas Zahavi, coach à Saint-Pierre, il a dit la même affaire après une couple de jours. On dirait quand ça vient vraiment tough, là, je ne sais pas si tu as remarqué, là, on le voit quand est-ce qu'il brille, ce connard. Puis on dirait que contre Poirier, quand il a réussi à placer sa grosse main une couple de fois. On voit que Poirier est ébranlé un peu, mais il n'a pas tombé. Puis là, on dirait qu'à partir de là, Connor, il vient mêler. Quand les gars ne tombent pas sur ces gros shots, là, et on dirait qu'il n'y a pas de plan B ou je ne sais pas. On le voit faiblir tranquillement, pas vite. Puis demander, tu sais, il y en a des combattants, c'est comme des chiens, eux autres, là. Faut que tu ailles un bat de baseball là, pour les geler, sinon ils n'arrêteront pas. Puis Connor, on dirait, lui, quand ça vient dur, quand ça vient qu'il faut qu'il revienne de l'arrière, tu sais. On ne le voit jamais revenir de l'arrière, en fait, Connor. Quand tu te fais brasser, il casse. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Tu pourras aller voir peut-être l'analyse de Firaz, là, il a fait un article là-dessus aussi. Il a dit un peu la même chose aussi. Maintenant, tu m'avais parlé du ring rush. Je me rappelle, moi, j'avais dit, ah, ça sera pas si pire. Peut-être aussi que le ring rush qu'on appelle, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas combattu. Peut-être que ça a joué un plus gros facteur que je pensais La game aussi. shape, tu parles de game shape, toi, là. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait un bout qu'il s'était pas battu, ça faisait plus qu'un an, je crois. Ouais. Si on n'est pas tous des Mais gens des fois, Saint-Pierre, hein? C'est pas tous des on gens. est rouillé un peu, tu sais, t'as beau t'entraîner, c'est jamais la même intensité qu'un combat. Fait que c'est embêtant à dire, mais il y a une grosse drive, Connor, tu sais, il marche beaucoup à l'adrénaline, puis tout ça. Peut-être que là, il avait été trop poli avec Dustin, ça avait été ben amical, là, les affaires, puis oh, le respect, puis c'est rare qu'on voit Connor comme ça. Peut-être que c'est pas, peut-être qu'il carbure pas bien à ça, je sais pas. Mais il est encore jeune, mais tu sais, les sports de combat de même, c'est des sports que les gars, il faut qu'ils aient faim. Hein. C'est rare. Ça va-tu Tu le vois, t'en aimais. réveiller? Ou ça va Pardon? le. Ça va-tu le réveiller? Ah, je sais pas. Soit que ça va le réveiller, soit qu'il va arrêter, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin d'argent. Lui, là, il a peut-être plus aussi faim qu'avant. C'est embêtant. Ça peut être bien embêtant. OK. Là, c'est Khabib. Après le combat, il avait dit Khabib. Ils se sont comme pognés sur les médias sociaux. Tu crois ça à ça? Ça Bon. pourrait faire parler, ben. C'est deux. Ah oui, mais parce que Khabib, l'argent, ça il s'en fout. Puis le seul intérêt pour lui d'un combat contre Conor, ça serait l'argent, puis ça, il s'en fout. Il l'a déjà battu une fois de façon définitive. Fait que je pense pas que c'est ça qui le ferait remonter dans le ring. Je OK, penserais dans l'octogone. Demain, finalement, dans le cadre du UFC 258, c'est une carte. Ben, il y a Volkov que je connais, le nom. Le reste, ça ne me dit pas grand-chose. Ça a pas l'air d'être une super grosse carte. Est-ce que je me trompe? Ouais, à part les deux, trois combats principaux, là, je suis d'accord avec toi, c'est pas plus ou moins intéressant, mais par contre, on voit Kamaru Usman, que lui, c'est le champion des 170 livres, il ne faut pas l'oublier. Le gars, je crois, il est 17 ou 18-1, il a perdu un combat en début de carrière à son deux, troisième combat. Après ça, il a aligné que des victoires. Puis ses dernières victoires, ben, c'est contre qui? C'est contre Tyron Woodley, l'ancien champion. Après ça, il a battu Kobe Covington. Après ça, il a battu Masvidal. Lui qui a la ceinture BMF, là, le motherfucker. Fait que, écoute, il est dur à battre. Il va être dur à battre. Là, il se prend contre un adversaire qui est pas mauvais, mais il a pas battu des aussi gros noms. Puis, je crois pas que ça va être un gros, gros, gros test pour Usman. Mais là, bon, il a fait le tour pas mal. Tu sais, quand t'as battu Woodley, t'as battu Covington, puis t'as battu Masvidal à 170. Il reste plus ben de monde, là. Fait que là, bon, on verra ce que ça va donner, mais d'après moi, ça devrait se faire en dedans de 2-3 OK, les autres. Ben, c'est comme il y a le combat, l'autre combat principal, si on veut, c'est le combat de femmes de Macy Barber contre. Comment est-ce que ça s'appelle? Je vais aller te chercher sur le Macy Barber contre Alexa Grasso. Oui, c'est ça. Donc, écoute, encore là, Macy Barber, si vous ceux que ça rappelle qui ont suivi ça un peu, elle était sur une grosse hype, avant son dernier combat. Elle disait qu'elle voulait être la plus jeune championne, tatati. Elle faisait des combats spectaculaires, puis elle est bonne debout. Sauf que là, elle a pris. À son dernier combat, elle se battait pas contre une journeyman, mais contre une femme qui sera jamais championne, qui est, mettons, ce qu'on appelle un gatekeeper, là. Puis elle a perdu. Elle a perdu. Elle s'est fait mal au genou, par contre, mais bon, ou elle s'est fait faire mal au genou, elle a eu un coup juste en haut du genou. Puis là, ben, elle n'était plus capable de continuer, puis elle s'est fait battre comme ça. Ça fait que là, ça a comme un peu stoppé le train. Par contre, il y avait beaucoup de hype en arrière de elle. Puis là, ben, ils ont donné un adversaire que, si tu regardes sa fiche, elle gagne, elle perd, elle gagne, elle perd, elle gagne, elle perd. Donc, c'est peut-être un combat pour elle, pour la remettre sur la traque, comme on dit. C'est pas mal toutes les ce qu'il y a. Hey, j'ai terminé le livre de Pat Côté. Je sais pas si tu as lu le livre de son dernier livre de Pat Non, c'est Côté. lui le premier et pas le dernier. OK, lui qui a sorti cet automne. Est-ce que je savais pas que c'est interdit au Québec? Je savais pas ça que c'était interdit au Québec, une classe mineure. Tu sais, comme la boxe et de la boxe amateur. Oui. C'est interdit au Québec, ça? Ton gym, là, ton gym que tu peux pas faire de combattant? De combat? Ben, OK. Si on remonte là, un petit peu l'histoire, c'est que oui, au Québec, il y a juste les sports olympiques de combat que normalement tu as le droit de faire du combat. OK. C'est-à-dire que même le kickboxing au Québec qui se pratique depuis plusieurs années, avec en fait, Jean-Yves Thériault là. ouais, en fait, c'était illégal. Parce que ça prend une fédération olympique Oh, normalement au Québec, OK. c'est même que ça. Sauf que c'était toléré. Puis ce qui est arrivé dans le MMA amateur comme le jiu-jitsu brésilien, comme le kickboxing, était toléré. Sauf que là, ben, voilà quelques années, 3-4 ans, il s'est mis à des chicanes entre les promoteurs. Fait que là, les promoteurs se sont mis à s'écœurer et à s'envoyer à la police. Fait que là, il a demandé au gouvernement, il a dit « OK, c'est assez, on arrête ça. Vous êtes illégaux, on vous déclare illégal, puis vous n'avez plus le droit d'en faire. » Fait que là, Donc, bon. tu sais, la relève, il peut pas en avoir quand t'as pas de classe Ben, bon. amateur. Moi, Danny, ça fait des. Je suis des articles que j'ai faits dans les journaux ou avant des affaires. Là, je l'ai tout le temps dit que le MMA, c'était le seul sport au Québec qui n'avait pas d'amateur, puis on tombait dessus de professionnel, puis que ça n'avait pas de bon sens. Il n'y avait pas une bonne structure amateur. C'était un peu underground, on en faisait. Écoute, on a fait des galas ici à Chicoutimi. Là, on a mis 2000 personnes au Vieux-Port, puis ça à deux, trois reprises. Là. Mais ça, c'est là une dizaine d'années. Mais c'était en théorie, c'était illégal, mais c'était toléré. Puis là, maintenant, depuis 3-4 ans, c'est carrément illégal. Ça fait qu'est-ce qu'on faisait? C'est que là, on fait des combats d'exhibition. Il n'y a pas de gagnant. Puis c'est des combats d'exhibition entre guillemets. Ouais, ça vaut ce que Le ça gars, vaut. il va full pin pareil, mais sauf qu'il n'y a pas de gagnant à la fin. Donc, les Jourdains, les derniers Oui. qu'on a vus, là, eux autres, c'est parce qu'il y a eu TKO qui les a poussés. Là, TKO Non, non, disparaît. non, non, non. Jourdain, c'est battu en... Ils se sont tous battus en amateur, ces gars-là, là. Ah, OK. Toute la gang, mais c'est pas ce que je te dis, c'était dans le temps que l'amateur était toléré, entre guillemets. Mais là, Mais... ça veut dire que t'as pas plus de relève, t'as plus aucune relève, t'as qu'à ça? Ben là, présentement, on avait pareil, ce que je te dis, Danny, on faisait des combats Ouais. d'exhibition, on virait pareil, mais on n'a pas une structure, c'est ça qui est tannant. Même Mais. Barrio, écoute, Barrio, on s'est battu contre un professionnel, mais on s'est battu dans les mêmes gars-là en amateur aussi. Tous ces gars-là ont fait de l'amateur au Québec, ils ont tous passé par l'amateur. OK. Donc, l'amateur était illégal, entre guillemets. Mais une fédération, ça se croirait comme les autres sports, ce serait pas possible de créer ça? Ben oui, c'est possible, mais malheureusement, Pat, il en parle dans son livre, mais on n'a jamais vu d'en parler ailleurs que ça. Georges Saint-Pierre, il n'a jamais rien fait pour l'amateur non plus. Ces gars-là, c'est supposé être nos porte-parole. C'est supposé être. Ça devrait être eux autres qui poussent, puis ils Ben poussent oui, Pat pas. Côté, c'est lui qui le. Pat Côté, tu sais, il était. T'sais, Pat Côté, Savais? c'est probablement lui qui, avec Georges Saint-Pierre, les voix au Québec, là, qui Ben doivent oui, être c'est sûr, mais. T'es-tu déjà entendu parler d'amateur, toi? Il en parle dans son Jamais. livre. Il en parle dans Ouais, son bon. livre. Hein? Ah, C'est pour ça que je te pose les questions, là, t'sais. il a sorti la semaine passée, sorti, il y a ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ces gars-là, moi, c'est ce que je déplore, là. C'est que les gros canons, là, du MMA québécois, on les a jamais vus, on les a jamais entendus pousser, au moins dire une fois de temps en temps, même s'ils veulent pas s'impliquer à 100%, c'est correct, là. Puis en plus, Pat Côté, je l'ai vu souvent, là, quand on était allé à Bécomo, il était là, il y avait des gars, il y en a fait des combats amateurs aussi Ben avec oui, des gars. ben oui, ben oui. C'est pas structuré. On espère que ça va se structurer, là. Mais puis là, c'est en train, parce que si tu vas voir sur Internet, là, il y a une nouvelle fédération qui est décollée, l'association des clubs de MMA du Québec. Puis c'est avec des gens sérieux. C'était pas tout le temps sérieux, nos affaires, pour un certain temps. Qui Là, est par contre, derrière il y a du ça? Qui monde. est derrière ça? Ben, c'est C'est-tu un peu encore Stéphane n'importe qui. Patry? C'est-tu encore cette gang-là? Non, Stéphane Patry s'est jamais occupé de l'amateur. OK. Lui, c'est Patry, ça a tout TKO. le temps Le, pour été les le gens qui ne savent pas, c'est professionnel. l'ancien promoteur des TKO, là. C'est ça. OK. Puis il s'est jamais occupé d'amateurs, Stéphane. Il y a eu OK. quelques organisations professionnelles, puis ces organisations-là, ben, ils ne s'occupaient pas vraiment de l'amateur. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Mais oui, ça va te prendre de quoi de structurer une année, mais le gouvernement, il ne veut pas former des fédérations non plus. Ça coûte cher, hein? Mais là, le sport est quand même rendu populaire. Là. Ça ne donnera pas le choix parce que, comme tu dis, là, si tu ne peux pas passer pro quand il n'y a même pas d'amateur, Non, ça non, n'a pas de sens. Ça n'a non, non, aucun sens. non. Puis là, surtout qu'il y avait, il y avait TKO qui pouvait aider, Oui, il y avait mais, quand je commençais professionnel, mais ouais, dans le mais temps, au il y moins avait c'était quand une je ligue commençais. mineure, mais au moins il y avait de quoi, il y avait un début à quelque chose, mais là, t'as même plus d'amateur, puis t'as plus de TKO, fait que ça va pas bien, non? Non, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Claude, on se reparle pour le UFC 259. Parfait, mon beau Notre Danny. ami Claude Perron.